بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continuons la traduction du livre Taysir al-Allam et شرح عمدة الأحكام. Une explication du livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah et une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué deux hadiths, le 36e ainsi que le 37e. Le 36e hadith est le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, qui se porte volontaire pour nous réciter ce hadith. Fadhal. Le hadith al-Sahib, Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجب والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخر وصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أحسنت بارك الله فيك. رواه البخاري ومسلم. أحسن الله إليك. الحديث 47 le 47e حديث qui est le hadith d'Abi al-Minhal qui se propose volontaire. نذير عن أبي من هالي سيار ابن سلمة ابن سلامة ابن سلامة نعم قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة التي الهاجرة نعم. التي تدعونها الأولى إذا حين تذهب الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة وكان يقرأ فيها حين يعرف الرجل جليسة نعم وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة رواه البخاري ومسلم. أحسنت بارك الله فيكم. الحديث 48 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. وله أي لمسلم عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو حشى الله حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا رواه مسلم. Le 47e hadith est le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la tranchée, qu'Allah remplisse leurs tombes et leurs maisons de feu comme ils nous ont préoccupés vis-à-vis de la prière médiane jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Et dans une version de Muslim, ils nous ont préoccupés vis-à-vis de la prière médiane, la prière de l'Asr, puis il l'a prié entre Al-Maghrib et Al-Isha. Et toujours dans une version de Muslim, rahimahullah, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit que les polythéistes ont bloqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont empêché de prier la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil ait rougi ou ait fortement jauni. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils nous ont préoccupés vis-à-vis de la prière médiane, la prière de l'Asr, qu'Allah remplisse leur corps et leur tombe de feu. Où il a dit Hasha, qui est un synonyme de Mala'a, qu'Allah remplisse leur corps ainsi que leur tombe de feu. Et comme je l'ai dit, c'est la version de Muslim dans son Sahih. Gharib al-Hadith. الخندق أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة 5 من الهجرة. Premièrement, الخندق autrement dit la tranchée, qui est aussi appelé Ukhdoud. C'est pour ça que dans Surat al-Buruj, Qutila ashabu al-Ukhdoud an-nari zati al-waqood. Ils ont creusé des tranchées dans lesquelles ils ont allumé un feu et ils y ont jeté ceux qui avaient cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ukhdoud donc est un synonyme de tranchée. C'était des tranchées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a creusées, ainsi que ses compagnons, au nord de Médine. Et cette tranchée a été creusée dans toute la largeur de Médine, d'est en ouest. Et ceci pour se protéger de l'attaque des polythéistes qui avait décidé d'attaquer Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses tranchées pour qu'il y ait un obstacle entre eux et les polythéistes. Qui a suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de creuser ses tranchées? Non? Salman al-Farisi, ahsant, radiyallahu ta'ala anhu. C'est lui qui a suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ses tranchées. Et ceci a eu lieu la 5e année de l'Hégire. ثانيا الوسطى مؤنث أوسط وأوسط الشيء خياره ومن ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. Deuxièmement, médiane. La prière médiane qui est le féminin de milieu. Et le milieu d'une chose ou le centre d'une chose est le meilleur. Ainsi Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Baqarah en qualifiant cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi nous avons fait de vous la communauté médiane, autrement dit la meilleure des communautés. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد الغروب، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم نارا جزاء ما آذوه وصحبه وشغلوهم عن صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات. لسان جنرال دو حديث. Les polythéistes ont occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons à repousser les attaques et à protéger la ville de Médine ainsi que leur propre personne. Et cette garde ou ce combat les a préoccupés et a fait en sorte qu'ils n'ont prié la prière de l'Asr que lorsque le soleil s'est couché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ne l'ont prié donc qu'après le coucher du soleil. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre les polythéistes en demandant à Allah azza wa jal de remplir leur maison, leur tombe de feu, et ceci en guise de réprimande et en guise de châtiment vis-à-vis des préjudices qu'il a subis le professeur sallam ainsi que ses compagnons, et également le fait d'avoir retardé la prière de l'Asr, qui est la meilleure des prières. Allati hiya afdalu salawat. Ikhtilaf al-ulama fi al-murad bil-wusta allati hatha Allah ala al-muhafazati 'alayha biqawlihi hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta 'ala aqwal kathira ذكرها الشوكاني على 17 قولا وذكر أدلتهم، وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة وقلة الفائدة المطلوبة، والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وإليه ذهب جمهور السلف والخلف أن المراد بها صلاة العصر، وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة ساقط الحجة. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur ce qui a été voulu dire par la prière médiane, celle qu'Allah Azzawajal a demandé de préserver dans son noble livre lorsqu'il dit « et préserver la prière ainsi que la prière médiane ». Les savants ont divergé sur quelle est cette prière médiane, et l'imam Shawkani, rahimahullahu ta'ala, son livre Nail al-Awtar a cité 17 avis sur ce qui est voulu par la prière médiane. Et il a cité la preuve de chacun de ces avis, et nous n'avons pas besoin, comme le dit Cheikh al-Bassam, il n'est pas utile de citer tous ces avis car cela prendrait du temps. Et il n'y aurait pas énormément de bénéfices à tirer. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce que prouvent les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont à la fois authentiques et clairs. Al-ahadith al-sahihah al-sarihah. Est-ce qu'un hadith peut être authentique et non clair? Oui ou non? Non. Un hadith peut être authentique, mais il n'est pas sarih, c'est-à-dire qu'il porte à interprétation. Il y a des hadiths qui peuvent être authentiques, rapportés par Al-Bukhari et Muslim, dans lesquels le Prophète sallam aurait dit une chose ordonnée ou interdite, ou conseillé ou recommandé une chose, mais le hadith porte, yani, il n'est pas clair, il est ambigu, il est vaste, on peut le comprendre de plusieurs façons, etc., etc. Donc, il n'y a pas de mal à dire qu'un hadith peut être authentique, mais qu'il peut être compris de plusieurs façons. Mais ces hadiths qui concernent le sujet de la prière médiane sont à la fois authentiques et claires. C'est-à-dire que le professeur Asselem a clairement défini cette prière médiane et a donné le nom de celle-ci. وإليه ذهب جمهور السلف والخلف. Et c'est l'avis de l'ensemble, ou de la grande majorité des pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis, à savoir que ce qui est voulu par la prière médiane, c'est bien sûr la prière de l'Asr. Et tous les autres avis, tous les autres avis apportent soit des preuves qui sont faibles, c'est-à-dire qui ne sont pas authentiques, ou soit des hadiths qui sont authentiques, mais dont le sens ou la preuve n'est pas claire. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la prière médiane est sans aucun doute la prière de l'As, comme l'a clairement dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. أولا إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن علي قال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال ابن الأثير سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلوات وأعظمها أجرا ولذلك خصت بالمحافظة عليها. Ce que l'on retient premièrement de ce hadith, c'est bien sûr que la prière médiane dont il est fait allusion dans ce hadith est la prière de l'Asr, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Ali radiallahu anhu, il dit: nous pensions que c'était la prière de l'Fajr. À savoir, il pensait au début que la prière médiane était la prière de l'Fajr, jusqu'à ce que j'ai entendu, ou jusqu'à avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour de l'Ahzab, qui est aussi le jour de Al-Khandaq. Ils nous ont préoccupés sur la prière médiane, la prière de l'Asr. Et Ibn al-Athir, rahimahullah, a dit qu'elle a été appelée la prière médiane, car c'est la meilleure des prières, et celle qui est la plus récompensée. Ainsi, Allah Azza wa Jal l'a spécifiée en demandant qu'elle soit préservée. Hafidhu ala salawati wa salati. Allah Azza wa Jal a ordonné de préserver les prières, à savoir de les faire en temps et en heure, et comme l'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a cité juste après la prière médiane, et il a aussi ordonné de la préserver. Cela est une spécificité, et Allah Azza wa Jal a demandé de préserver la prière médiane plus que les autres, car c'est la meilleure des prières et c'est celle qui est la plus grandement récompensée. Thaniyan, جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها. Deuxièmement, on retient du hadith l'autorisation de retarder une prière et de la faire après son heure lorsque il n'y a pas possibilité de la faire. Lorsqu'il n'y a pas possibilité de la faire. Et bien sûr, cette parole de l'imam ou de Cheikh al-Bassam, rahimahullah, il faut la comprendre dans le cas d'une force majeure. Lorsque tu ne peux pas, c'est-à-dire lorsque tu n'as d'autre choix que de la retarder, et que c'est un cas de force majeure. Et il ne faut pas comprendre de cela la nécessité, car il y a une différence énorme en islam entre Al-Haja et Al-Daroura. Il y a une différence entre Al-Haja et Al-Daroura. Et beaucoup ont mal compris cela. Al-Haja, c'est la nécessité, c'est le besoin. Al-Daroura, c'est le cas de force majeure. Lorsque l'on dit par exemple, la femme ne doit sortir de chez elle qu'en cas de besoin. et non pas en cas de force majeure. Car si tu dis que la femme n'a le droit de sortir de chez elle qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire que elle ne sortira presque pas ou quasiment pas, car un cas de force majeure, c'est un cas d'une maladie grave, c'est un danger de mort, c'est un incendie, c'est une inondation, etc., etc. Ce sont des cas de force majeure. Mais la nécessité est tout autre. La femme a besoin de sortir pour visiter sa famille. Est-ce que c'est un cas de force majeure ? Non, c'est une nécessité. Une personne qui ne visite pas sa famille, est-ce qu'elle met sa vie en péril ? Non. Mais c'est un besoin. Besoin de consulter un médecin, etc., etc. Il faut donc bien différencier entre le besoin et le cas de force majeure. ثالثا ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا قال القاضي عياض أخرها قصدا وصلاة الخوف ناسخة لهذا وقال ابن حجر هذا أقرب ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله أو قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. Troisièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que cela a eu lieu avant que la prière de la peur n'ait été légiférée. Qu'est-ce que la prière de la peur ? Qu'est-ce que la prière de la peur ? L'ennemi nous attaque. Peut-être attaqué par l'ennemi pendant qu'on fait ça. La prière de la peur, c'est quand tu as peur d'être attaqué par l'ennemi ? Non ? C'est quand tu fais ça pendant la bataille. Naam, c'est la prière que tu fais pendant le combat. Et on avait expliqué ça lors des cours sur l'Ouajiz. Il y a combien de façons de faire Salat al-Khawf ? 12, c'est Adayat al-Istiftah. C'est les invocations de l'ouverture, où il y en a 12 versions. 7. Non, il y a 7 façons d'accomplir la prière de l'Khawf. On avait expliqué cela dans les détails. On ne va pas revenir dessus. Et on est revenu au cours de l'Ouajiz où on avait cité sept façons d'accomplir la prière de l'Khawf. Et il y a parmi ces prières ce que les savants appellent Salatul Musayafa. Qu'est-ce que Salatul Musayafa? C'est la prière que tu fais lorsque tu combats à l'épée. C'est-à-dire que en combattant, pendant que tu combats, tu pries. Car il peut y avoir des combats qui soient rudes, qui soient difficiles, et qui ne te laisse pas une minute de répit, même pour faire la prière de l'Khawf, car pendant la prière de l'Khawf, on a vu que l'imam, yani que tout d'abord c'est une prière composée de combien de rakat ? Deux. L'imam commence une prière, il y a un premier groupe qui vient, qui prie avec lui, ensuite, il part, et le second groupe vient, et l'imam continue, lui, à faire sa prière. L'imam en aura fait deux, et les autres auront fait tout seul et une en groupe. Et entre temps, ils seront retournés au combat. Il y a plusieurs façons, à la kulihal, il peut y avoir des combats rudes qui ne te permettent pas de faire cette prière-là, qui ne te permettent pas de quitter le front, ne serait-ce qu'une minute. Dans ce cas, tu fais ta prière dans cet état. Donc, cela a eu lieu avant que la prière de la peur ait été légiférée. Car si celle-ci a été légiférée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas retardé la prière de l'Asr. Car Allah azza wa jalla leur a ordonné, et cela dans sourate An-Nisa ou Al-Baqarah, de prier en marchant et sur la monture. Et c'est ce qu'a dit Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, que cela est ce qui est le plus proche de la vérité, car il y a une version rapportée par Ahmed al-Nasa'i selon Abu Sa'id, radiallahu anhu, qui dit que cela a eu lieu, à savoir la bataille de l'Ahzab, avant que Allah Azzawajal ne révèle à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, priez en marchant et sur vos montures. Et donc que cela est abrogé, que la prière de l'Khawf abroge le fait de retarder la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure. Il est donc interdit de retarder sa prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure, même en état de guerre. رابعا إن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها. Quatrièmement, on retient de ce hadith que celui qui oublie une prière ou oublie d'accomplir une prière pendant son heure, alors qu'il l'a prie au moment où il s'en rappelle. Il y a le hadith à ce sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous dort, إنما عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. Si une personne ou si l'un d'entre vous dort ou oublie une prière, alors qu'il l'a pris au moment où il s'en rappelle. لا كفارة له إلا ذلك. Il n'a pas d'expiation à faire autre que cela. Non. C'est un Si, on peut le déduire, car le professeur Sam était préoccupé par la prière de l'As, par le combat, et il en a oublié de prier la prière de l'As. Il y a les deux. Il y a le fait qu'il était préoccupé, et lorsque tu es préoccupé par une chose et omnibulé par une chose, eh bien, il t'arrive d'oublier. Si tu es dans un, en train de faire un travail, en train de faire une recherche ou de lire, et tu oublies par exemple que tu n'as pas fait telle prière. Tu étais tellement préoccupé par tes affaires que tu as oublié telle prière. Et tu t'en es rappelé qu'après. Donc tu as été préoccupé, mais cette préoccupation a amené à ce que tu aies oublié. Donc on peut déduire de ce hadith que celui, et que le professeur sallam a été préoccupé, et que lorsque la prière, ou lorsque le soleil s'est couché, c'est là où le professeur sallam s'est rappelé qu'il n'avait pas prié la prière de l'Asr. خامسا جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص. Cinquièmement, l'autorisation d'invoquer envers l'oppresseur de façon proportionnelle à son oppression, car cela est considéré comme un talion. Ici, le professeur sallam a invoqué en faveur ou contre les polythéistes pour qu'Allah Azza wa Jal emplisse leur maison ainsi que leur tombe de feu. سادسا قال العلماء فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى بل لا بد من النص الوارد فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله ولم يقتصر على أحد اللفظين مع اتحادهما في المعنى. Sixièmement, les savants ont dit qu'il y a dans ce hadith la preuve qu'il n'est pas autorisé de rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de rapporter le sens du hadith. Et ici, le sens du hadith, l'interdiction de rapporter le sens du hadith concerne les rapporteurs du hadith, ceux qui ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les rapporteurs doivent rapporter textuellement ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela, c'est qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a eu un doute entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit « mala Allahu » ou « hasha Allahu » qui sont deux synonymes qui est rempli. Qu'Allah remplisse leur maison ainsi que leur tombe de feu. Et il n'a pas dit l'un sans stipuler l'autre, car il avait un doute. Donc, il a dit, il a soit dit « mala Allahu » ou il a soit dit « hasha Allahu ». Cela prouve que les compagnons, radiallahu anhum, ainsi que les autres rapporteurs du hadith, rapportaient textuellement les termes qu'a employé le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. الحديث التاسع والأربعون لو 49 حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة رواه البخاري ومسلم. Le 49e hadith. Selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu qu'une partie de la nuit se soit écoulée. Et Omar al-Khattab, radiallahu anhu, est sorti et a dit « La prière, ô envoyé d'Allah, les femmes et les enfants se sont endormis. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors sorti et des gouttes d'eau dégoulinaient de sa tête sallallahu alayhi wa sallam et il disait « Si ce n'était une contrainte pour ma communauté et dans une version ou pour les gens, je leur aurais ordonné cette prière à cette heure-ci. Je leur aurais ordonné cette prière à cette heure-ci. » Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Cette prière, c'est-à-dire la prière de l'Aïcha. Gharib al-Hadith. Et sont les termes qui méritent explication dans le Hadith. A'tama. Dakhala fil atama. Wa hiya zulmatul layl. Wal muradu annahu akhara salat al-Aïcha. Ba'da dhahab al-Shafaq. صلاها في ظلمة الليل أعتمى c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم est entré dans العتمة et العتمة c'est l'obscurité de la nuit et ce qui est voulu dire par là c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a retardé la prière de l'Isha bien après que le crépuscule ait disparu à l'horizon et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié lorsque la nuit était sombre. Car lorsque l'on prie l'Isha au moment où le crépuscule rouge disparaît, est-ce que le ciel est sombre? Est-ce qu'on peut voir des lueurs blanches? Oui ou non? Oui, on peut voir des lueurs blanches à l'horizon. Cela n'est pas important, car ce qui est important, c'est la disparition du crépuscule rouge. Et plus la nuit avance, et plus le ciel s'assombrit, et la nuit devient plus sombre. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé jusqu'à ce que la nuit était sombre. Autrement dit, il est rentré dans al-atamah. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Ta'akhara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi salat al-isha hatta dhahaba kathiru min al-layl. ورقد النساء والصبيان ممن ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الصلاة فقد رقد النساء والصبيان فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير لولا المشقة التي تنال منتظر الصلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة. Le sens général du hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم a retardé la prière de l'Isha jusqu'à ce qu'une grande partie de la nuit se soit écoulée. Les femmes et les enfants se sont endormis car ils n'ont pas la possibilité, ou ils font partie de ceux qui ne peuvent pas supporter le sommeil et la longue attente. Umar al-Khattab radiallahu anhu est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé de faire la prière car les femmes et les enfants se sont endormis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors sorti de chez lui, est entré à la mosquée et sa tête ou ses cheveux dégoulinaient d'eau, l'eau de l'irtisal, l'eau du lavage, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que le meilleur moment pour accomplir l'Isha et de le retarder si ce n'était une contrainte que subiraient ceux qui attendent la prière. Si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné de prier cette prière à cette heure-ci, c'est-à-dire à cette heure-ci, à cette heure reculée de la nuit. اختلاف العلماء اختلف العلماء في صلاة العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير فذهب إلى الأول جماعة من العلماء مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو للعذر ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة أما كونه لم يداوم على تأخيرها فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين وقد أخرها ذات ليلة فقال إنها لوقتها لولا أن أشق على أمتي. Il y a une divergence des savants concernant la prière de l'Isha, quel est le meilleur? Ou quelle est la meilleure heure ou la meilleure horaire pour faire l'Isha? Est-ce le début ou de retarder? Une partie des savants ont dit que le meilleur moment pour accomplir l'Isha est le début de son heure. Quelle est leur preuve? Ils disent, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude d'accomplir l'Isha au début de son heure. Et ainsi a fait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a retardé l'Isha que quelques fois uniquement. Pour montrer soit l'autorisation de la retarder, ou pour montrer une excuse. Et si le fait de prier l'Isha était meilleur, et si le fait de retarder l'Isha était meilleur, alors le professeur Asselam l'aurait fait le plus souvent. C'est la preuve des premiers savants qui disent que le meilleur moment pour l'Isha, c'est le début de son heure. Et la plupart des savants sont d'avis que le meilleur moment pour accomplir l'Isha est de le retarder. Et la preuve, ou leur preuve, sont les nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Beaucoup de hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est la meilleure heure, à savoir de retarder l'Isha. Quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas prié souvent l'Isha tard, cela, ou ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la peur de causer une contrainte ou causer préjudice à ceux qui sont venus prier. Et le professeur Asselin l'a retardé une nuit et il a dit, c'est son heure, si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté. C'est son heure, innahu la waqtuha lawla an ashuqqa ala ummati. Ma yu'khadu min al-hadith. Awalan, inna al-afdala fil isha al-ta'khir. ويمنع من ذلك المشقة ويمنع من ذلك المشقة. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, bien sûr, c'est que le mieux pour accomplir la prière de l'Isha est de retarder. ويمنع من ذلك المشقة. Et ce qui empêche de cela est la contrainte. Est-ce que l'on peut comprendre de la parole de Cheikh Al-Bassam que le mieux est de la retarder, donc qu'il est préférable de la prier chez soi à 23h30 plutôt que de la prier à la mosquée à 19h ou 19h05? Non. Car la prière obligatoire doit être accomplie pour les hommes à la mosquée. Elle doit être accomplie pour les hommes à la mosquée, même si le meilleur moment est de la retarder, mais à partir du moment où à la mosquée elle est accomplie au début de son heure, alors tu dois assister et accomplir cette prière au début de son heure, comme l'a fait d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus souvent. Thaniyan, إن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة. Deuxièmement, que la contrainte attire ou la contrainte, comment traduire ? La contrainte apporte la facilité dans cette religion. Dans cette religion sage et dans cette religion sublime. À savoir que il y a la règle al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Lorsqu'il y a une contrainte, alors l'islam apporte des facilités. Ce n'est pas simple pour une personne de venir à la mosquée, d'attendre jusqu'à ce que la nuit ou une partie de la nuit se soit écoulée. C'est une contrainte. Donc l'islam est venu pour faciliter, à savoir que lorsque la prière de l'Aïcha en groupe est accomplie le plus souvent au début de son heure. Par exemple, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, lorsque tu te trouves à l'extérieur en voyage et que tu t'es réveillé en état de grande impureté et qu'il fait extrêmement froid dehors, est-ce que tu te laves avec de l'eau? Est-ce une contrainte de se laver avec de l'eau dehors par un froid glacial? Oui, c'est une contrainte. L'islam est venu avec une facilité qui est de faire un tayammum. Et ainsi, l'islam fait, ou ainsi Allah Azza wa Jalla a légiféré à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la facilité lorsqu'il y a des contraintes. Mais les contraintes, ce sont les contraintes connues en islam. Les contraintes considérées comme contraintes en islam, et non pas ce que toi tu considères comme une contrainte, et de t'autoriser des choses que l'islam ne t'autorise pas. Donc, la contrainte apporte la facilité, c'est-à-dire la facilité qui a été rapportée dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, إنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل إذا اقترن به أحوال وملابسات. Troisièmement, que le fait de faire une chose moindre peut être meilleur que de faire une chose meilleure que celle-ci. Autrement dit, la prière de l'Isha, le meilleur moment c'est de la retarder. Il est préférable de la retarder plutôt que de la faire au début de son heure. Mais lorsque celle-ci est accomplie à la mosquée au début de son heure, alors il est mieux pour toi de la faire à son heure, au début de son heure, plutôt que de la retarder. Donc, en islam, il y a des cas où le fait de faire ou lorsque deux choses, l'une est meilleure que l'autre, il est parfois meilleur de faire celle qui est moins meilleure que l'autre. Rabi'an, kamal shafaqati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatihi bi ummatihi. Quatrièmement, la tendresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa miséricorde vis-à-vis de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Car qu'est-ce qui a empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier tout le temps l'Aïcha à une heure tardive, c'est la contrainte que subirait sa communauté. Cinquièmement, خامساً, كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Cinquièmement, il y a dans ce hadith la preuve que certaines femmes et enfants assistaient à la prière en groupe avec le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسا صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sixièmement, il y a الصراحة, comment traduire الصراحة? نعم, أحسنت, la franchise. Il y a dans ce hadith la franchise de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avec le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, car il avait totale confiance au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Omar al-Khattab était l'un des compagnons les plus francs, celui qui disait la vérité et qui n'avait pas peur du reproche de quiconque. Sabi'an, fihi dalilun ala tanbih al-akabir li-ihtimali ghaflatin aw tahsil fa'idah. Septièmement, il y a dans ce hadith la preuve qu'il est autorisé d'interpeller les grands, ceux qui sont meilleurs que toi, ceux qui ont plus de science que toi, ceux qui ont plus d'expérience que toi, ceux qui sont plus âgés que toi, il est autorisé de les interpeller. Pourquoi ? Car soit cette personne a connu un moment d'absence, il est possible que cette personne, même si c'est un savant, ait oublié de faire telle ou telle chose, donc il t'est autorisé, lorsque tu le vois faire une chose, par exemple, comme l'a fait Omar, de dire au prophète sallam, c'est la prière. L'heure de la prière, la prière, car les enfants et les femmes se sont endormis. Ou tahsil fa'ida, ou de l'interpeller afin qu'il t'enseigne. Lorsque tu vois d'un savant un comportement qui est étrange, eh bien dis-lui, cheikh, je t'ai vu faire telle et telle chose. Est-ce normal ? Soit il te dit, Hassan, tu m'as rappelé, j'avais oublié qu'il avait telle ou telle chose. Ou soit il va te dire, oui, il y a un hadith à ce sujet qui autorise de faire telle et telle chose. Donc, dans tous les cas, soit tu rappelleras ce savant ou cette personne respectable, ou soit tu apprendras une chose qui te sera bénéfique dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Comme salam, hatullah. Wa yaqul al-mu'allif rahimahullah babun في شيء من مكروهات الصلاة. في الإمام عبد الغني رحمه الله المقدسي ouvre le chapitre des choses détestables à faire pendant la prière. قال الشيخ البسام رحمه الله المكروه عند الوصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها وهي كثيرة ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان. La chose détestable chez les savants du fiqh et les savants de usul al-fiqh, usul al-fiqh, disent que c'est une chose par laquelle est récompensé celui qui la délaisse et n'est pas châtié celui qui la commet. Une chose détestable, c'est lorsque tu l'as fait, tu n'as pas commis de péché, tu ne seras pas châtié. Mais lorsque tu la délaisses, eh bien, tu en seras récompensé. Contrairement à l'interdit, lorsque tu le délaisses, tu es récompensé. Et lorsque tu le fais, tu es châtié. Et les choses détestables de la prière ont une influence sur le caractère complet de celle-ci, mais ne l'annule pas. Lorsque tu fais une chose détestable pendant la prière, est-ce que ta prière se voit annulée ? Non, mais sa récompense est sans aucun doute diminuée et ta prière ne sera pas complète. Et les choses déconseillées pendant la prière sont nombreuses. L'auteur a cité certaines de celles-ci dans ces deux hadiths, les deux hadiths de Aïcha, le 50e et le 51e. Al-Hadith al-Khamsoun, le 50e hadith. An Aïcha radiallahu anha, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala idha uqimati s-salatu wa hadara al-Isha'u fabda'u bil-Isha'. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le cinquantième hadith. Selon Aïcha radiallahu anha, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, lorsque l'on appelle à la prière, et que le dîner est prêt, alors commencez par le dîner. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب لأن ذلك هو روح الصلاة وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصها فإذا أقيمت الصلاة والطعام أو الشراب حاضر فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي ولا يتعلق ذهنه به وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة هذا ما لم يضق عليه الوقت فإن ضاق فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء لأن المستحب لا يزحم الواجب. Le sens général du hadith. Il est demandé dans la prière d'avoir une humilité et un recueillement et une présence du cœur. Car c'est l'esprit de la prière. Et plus cette concentration est présente, et plus la prière sera complète. Et plus cette concentration est absente, et plus la prière est incomplète. Lorsque l'on appelle à la prière, et que la nourriture et la boisson sont présents, il faut alors commencer par boire et manger afin que la faim et l'envie du prieur s'en aillent et disparaissent et que son esprit ne soit pas attaché et ne soit pas lié à cette nourriture. Ainsi, son cœur ne sera pas préoccupé pendant sa prière concentration pendant la prière sera présente, cette concentration qui est l'ubbu salat, qui est le cœur de la prière. Ceci à condition que le temps le lui permette. Si le temps est trop court, c'est-à-dire si l'heure de la prière va bientôt se terminer et que la nourriture vient d'être posée et que tu sais qu'en mangeant tu n'auras pas le temps de prier à l'heure, alors dans ce cas tu dois prier, accomplir ta prière quel que soit l'état dans lequel tu es. Pourquoi? Car la chose conseillée est préférable, qui est de manger avant de prier lorsque la nourriture est présente au moment de l'iqama ou au moment de l'appel à la prière. C'est une chose qui est préférable. Et de prier la prière à son heure est une chose obligatoire. Et une chose surérogatoire ou une chose préférable ne peut empêcher une chose obligatoire. ما يؤخذ من الحديث أولا إن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدم عليها ما لم يضق وقتها فتقدم على أي حال. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, c'est que la nourriture et la boisson, lorsqu'elles sont présentes ou lorsqu'ils sont présents au moment de l'heure de la prière, doivent être précédées à condition que le temps le permette. Sinon, la prière doit être accomplie, quelle que soit la situation. ثانياً, ظاهر الحديث سواء أكان محتاجاً للطعام أم غير محتاج لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة أخذاً من العلة التي فهموها من مقصد الشرع. Deuxièmement, dans le hadith, on peut comprendre que cela concerne celui qui a faim comme celui qui n'a pas faim. Le professeur Sam a dit lorsque la nourriture est prête, que tu aies faim ou que tu n'aies pas faim. Mais beaucoup de savants ont restreint cela au besoin et à la nécessité. Pourquoi? Car, pourquoi le professeur sallam a dit de précéder la nourriture à la prière pour que la personne ne soit pas préoccupée pendant sa prière au plat qui l'attend. Et donc de ne pas être concentré, de ne pas avoir un cœur présent pendant sa prière, et la concentration est une chose extrêmement importante. Le professeur sallam était concentré pendant sa prière, ses compagnons radiallahu anhum, et il y a énormément de paroles de salaf sur la concentration de la prière, et le professeur sallam a donné beaucoup de remèdes et beaucoup de moyens qui permettent à la personne de se concentrer et d'éloigner et de se préserver contre ce diable qui a pour seule fonction de détourner l'attention du prière pendant sa prière. Et ces savants ont dit, la cause étant celle-ci, alors on restreint le jugement à celui qui a besoin de manger, à celui qui a faim ou soif. ثالثا إن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة على أن لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة. Troisièmement, le retient du hadith. Que la présence du repas pour celui qui en a besoin est une excuse valable pour ne pas assister à la prière en groupe à la mosquée. Ceci à condition que l'heure du repas ne coïncide pas tout le temps avec l'heure de la prière et que cela ne soit pas une habitude. Quatrièmement, rabi'an, in al-khushu'a wa tark al-shawaghil matloubun fi s-salah liyahdura al-qalb lil-munajah. Quatrièmement, que la concentration, l'humilité et délaisser tout ce qui distrait ton esprit est une chose demandée pendant la prière afin que ton cœur soit présent et qu'il soit présent lorsqu'il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la prière, comme vous le savez, c'est ce qui lie Allah et son serviteur. C'est une relation entre Allah et son serviteur. Et c'est aussi un échange entre Allah et son serviteur. Et la preuve est le hadith où le professeur Sam a dit concernant surat al-Fatiha. Lorsque le prieur dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit? Hamidani Abdi ila akhiri al-Hadith. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, louange à Allah le Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal répond en disant « Mon serviteur m'a loué » et ainsi de suite durant ou ainsi de suite pendant la lecture de Al-Fatiha. On اكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.